Nyang. François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 5 mai. Bonjour auditrices, auditeurs. Bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. Le retrait des cartes d'électeurs continue au sein des commissions électorales communales indépendantes. Ceci dit le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Vous l'entendrez en début de cette édition. Les recettes fiscales de l'Office burundais des recettes OBR de janvier à mars de cette année sont de plus de 250 milliards de francs burundais contre plus de 230 qui étaient attendus. Dans cette édition, nous revenons sur la loi communale, notamment en ce qui est de la destitution de l'administrateur. Dans cette édition, vous aurez également la chronique santé qui nous parle de la rougeole. Rebonjour et bienvenue. Page politique pour débuter cette édition. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourraient les retirer dans les commissions électorales communales indépendantes. Ceci, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui le dit, précise que ceux qui sont éloignés de ces lieux pourraient envoyer leur procuration pour le retrait de ces cartes. Au docteur Pierre Claver-Kazihise d'ajouter que l'opération de distribution des cartes a été bien menée en général dans tout le pays. Suivez-le. Nous devons l'élément sonore à nos confrères de la radio nationale. Nous disons que l'opération de distribution a été assez bien menée. C'est vrai, nous déplorons qu'il y ait quand même quelques cartes qui restent, mais nous nous sommes dit qu'il fallait déposer ces cartes-là au niveau des CECI, des commissions électorales communales indépendantes, pour que les retardataires puissent retirer leurs cartes. C'est bien dommage qu'un grand nombre de personnes se précipitent le dernier jour. Vous savez, lorsque nous avons fait procéder à l'enrôlement partiel en décembre, nous avions couplé rarement avec le transfert. C'est-à-dire que nous avions demandé les personnes qui avaient déménagé, qui n'étaient plus, disons, sur les lieux d'inscription de 2018, de pouvoir le dire et demander des transferts sur le lieu de résidence ou de travail actuel. Alors, je suppose que la plupart ont fait cela, mais il est possible effectivement qu'il y ait des personnes qui restent et qui soient loin du lieu où ils se sont fait enrôler. Donc, pour ces personnes, nous avons recommandé qu'ils puissent, disons, donner des procurations à d'autres personnes qui pourraient retirer leurs cartes à leur place. Donner une procuration, c'est-à-dire un écrit qui peut effectivement montrer la traçabilité de la carte, c'est-à-dire la personne qui l'a retirée. Comme ça, les services de la CENI savent très bien la personne qui a pris la carte et qui l'a amenée à son propriétaire. Donc, ces personnes-là, effectivement, peuvent retirer les cartes de cette manière-là. Si des personnes, effectivement, ont des preuves, comme qu'ils se sont inscrits, mais que c'est la CENI qui, probablement, s'est trompée dans la confection des dossiers, cela peut s'analyser et on pourrait trouver des solutions. Docteur Pierre Claver-Kazihise, président de la CENI. Des citoyens déclarent que certaines des cartes d'électeurs ont été récupérées par leurs concurrents politiques. C'est le cas de la colline Jani en commune Gasogwe de la province Muyinga, où des membres du parti CNL accusent des militants du parti au pouvoir de s'être emparés d'une vingtaine de cartes. Le chef de colline Jani rejette les accusations. Pour lui, il y en a qui ont mandaté leurs proches pour récupérer leurs cartes, tout en reconnaissant qu'il y a des cas rapportés à la CCI indépendamment des partis. Gorette Kamariza, présidente de la commission électorale indépendante CPIA Muyinga, demande aux politiciens qui ont d'éventuelles réclamations de le faire par écrit pour faciliter les enquêtes. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Des habitants de la colline Tenga demandent l'accès à l'eau potable, car il n'y a qu'un seul robinet. Sur cette colline de la zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, un bidon de 20 litres coûte 400 francs burundais et les habitants craignent d'attraper les maladies des mains sales. Le point avec Charles Makoto. Cette fillette qui demande que la colline Tenga local soit approvisionnée en eau potable est l'un de 5 enfants. Des petits seaux à la main, l'une après l'autre, elles puisent l'eau des caniveaux qu'elles utilisent pour la propriété. Ce quartier, qui pourtant construit de façon moderne, compte un seul robinet qui coule de l'eau uniquement la nuit vers 2h du matin. Par manque de choix, cette femme fait savoir qu'elle se contente de l'eau de caniveau sachant pertinemment qu'elle est sale. Il y a une seule fontaine publique pour tout le quartier et on est souvent obligé d'utiliser l'eau des caniveaux. Nous demandons aux responsables de nous venir en aide ici à Tenga parce que nous sommes délaissés. Nous n'avons pas d'eau. Qu'ils construisent d'autres fontaines publiques parce que la seule qui existe ne peut pas servir toute la population de Tenga. Avoir de l'eau propre sur cette colline est un privilège des personnes aisées, comme le fait savoir cette femme qui indique payer 20 000 francs par mois pour s'approvisionner en eau potable. Pour avoir de l'eau ici à Tenga, c'est un casse-tête. Moi, par exemple, j'utilise 4 bidons par jour. Les services de la personne qui puise cette eau pour moi me coûtent 20 000 francs par mois. La population de Tenga, nous lançons un appel à l'État de nous faire parvenir l'eau potable chez nous parce que l'eau, c'est la vie. Satisfaire la demande de l'eau potable par vélo relève d'un parcours de combattant, dit ce transporteur qui fait savoir qu'il faut se lever à l'aube. Je me rends à la fontaine, mais j'y trouve beaucoup de personnes parce que l'eau a diminué. Après avoir puisé l'eau, je repars. À 7 heures, j'aurais normalement pu puiser et faire des tours. Le trajet est long. Nous puisons cette eau à Nyaounyegeri. Et c'est loin et on a peur de se faire tuer en cours de chemin. Ces habitants de la colline Tenga indiquent qu'un bidon de 20 litres coûte 400 francs et craignent que la saison sèche qui s'annonce n'empile les choses avec comme risque les ruisseaux qui vont sécher. Charles Makoto, page économie à présent. Les recettes fiscales de du premier trimestre de janvier au mois de mars de cette année collectées par l'Office burundais des recettes OBR sont satisfaisantes. Le commissaire général de l'OBR précise qu'elles sont de plus de 250 milliards de francs burundais contre des prévisions de plus de 236 milliards de francs burundais. Audace Nyonzima souligne en outre que malgré la pandémie du coronavirus, les activités de cet office n'ont pas cessé car des mesures de prévention ont été observées. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. De janvier à mars, puisque c'est en janvier que l'épidémie a été annoncée, de janvier à mars, c'était prévu de collecter 236,2 milliards. Les réalisations, ça veut dire les recettes effectivement collectées, ont été de 259,6 milliards. Donc, ce qui fait un dépassement de 23,4 milliards. Et par rapport à l'année passée, donc par rapport à 2019, à la même période, nous avons fait un dépassement d'une croissance de 27,8 milliards. De ce qui est une très bonne performance. Pour le mois d'avril, surtout c'est le mois d'avril qui était difficile parce que là, on avait déjà commencé à annoncer un certain nombre de personnes qui sont testées positives ici au pays. Et certaines frontières aussi avaient été fermées. Le mouvement des personnes a été restreint, surtout les frontières de Gatumba, de Rua, Kanyaru et Gasenyi. Et là, on avait la crainte que cela puisse affecter la collecte des recettes, mais heureusement, Dieu aidant, même au mois d'avril, nous avons pu collecter au-delà du target, au-delà des prévisions. Donc, il était prévu de collecter 77,1 milliards et nous avons pu atteindre 82,3 milliards, ce qui fait un dépassement de 5,1 milliards. Je dirais que jusque-là, la collecte des recettes se porte bien et que l'impact n'est pas encore significatif ou n'est pas encore ressenti sur l'activité de collecte des recettes. Audace Nyonzima, c'est le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR. Parlons gouvernance à présent. L'administrateur communal est révoqué par les deux tiers des membres du conseil communal comme stipulé par la loi portant organisation de l'administration communale. Ce texte montre également que le chef de zone est nommé par le gouverneur ou le maire de la ville, mais après l'avis du conseil communal. Le point avec Linibel Niwigira. La décision de destituer l'administrateur communal est prise par moins de 10 sur 15 membres du conseil communal. Le procès verbal est adressé au gouverneur qui le remet à son tour au ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions pour approuver sa destitution. Le nouvel administrateur communal est élu par les deux tiers du conseil communal. Le nouvel élu est nommé par le président de la République en ayant 30 jours. L'administrateur communal, qui perd sa qualité suite au manquement grave suivi de l'emprisonnement, perd immédiatement sa qualité de conseiller communal. En cas d'élection d'un conseiller communal qui ne respecte pas les quotas ethniques et de genre, Prévue par la constitution burundaise, la CENI peut ordonner la cooptation des personnes du groupe ethnique ou de genre sous-représenté. Une fois que le conseiller communal perd ses fonctions, il est remplacé suivant le code électoral, comme prévu par l'article 37. La 58e disposition montre que le secrétaire exécutif permanent et les conseillers de l'administrateur doivent avoir le diplôme universitaire. Le secrétaire assure l'intérimat en cas d'absence de l'administrateur communal ou à défaut, le conseiller de l'administrateur communal ayant les affaires administratives et sociales dans ses attributions. Les conseillers collinaires ou de quartier sont aussi élus par le suffrage universel direct. Ils se portent à titre indépendant pour un mandat de 5 ans. L'élu collinaire peut mettre fin à son mandat en cas de faute grave, et il est destitué par l'administrateur communal après l'avis du conseil communal. Les chefs de zone sont élus parmi les résidents de l'ancienneté et au moins de 3 ans, à part les natifs zonaux. Le chef de zone est nommé par le gouverneur ou le maire sur l'avis du conseil communal. Il est licencié par les 2/3 du conseil communal. Le chef zonal est titulaire d'un certificat des études secondaires ou détient une expérience avérée. Eleni Bell, Nibigira, parlons transport. À présent, la décision du maire de la ville de Bujumbura de laisser les transporteurs de personnes à vélo, moto et tricycle de traverser les ponts de Nahangwa Nord et Nahangwa Sud est saluée par l'Association des transporteurs du Burundi à Trabou. Charles Niramiba, secrétaire général de cette association, demande aux transporteurs de travailler en étroite collaboration avec l'administration et les corps de sécurité pour le renforcement de la sécurité, surtout en ces moments où le Burundi se prépare aux élections du 20 mai de cette année. Suivez-le. L'association des transporteurs du Burundi à Trabou informe tout le public, surtout le public de la mairie de Bujumbura, que le maire de la ville de Bujumbura a pris une décision de laisser franchir les transporteurs qui utilisent les vélos, les motos et les tricycles, le pont Nahangwa du sud et celui du nord, pour arriver dans des quartiers comme Nyakabiga, Javé, Bouiza et Bouyenzi. L'association des transporteurs du Burundi informe tous ces utilisateurs de ces outils de transport que le maire de la ville de Bujumbura n'a pas pris la mesure d'arriver en plein centre de Bujumbura, mais dans des quartiers cités si haut. Et la Trabou demande à ses utilisateurs des outils de transport et surtout les responsables qu'ils doivent respecter à la loupe les heures de travail telles qu'ils ont été convenues par le maire de la ville de Bujumbura. Et il s'agit de 18h pour les vélos et les motos et de 21h pour les tricycles, communément appelés bajaj ou tuk-tuk. Et la Trabou demande à ses utilisateurs, surtout les chauffeurs, de ces outils de transport, de bien garder la sécurité et d'informer les agents de l'ordre pour tout ce qui est suspect dans le but de bien préparer et arriver aux élections de 2020 sans aucun problème. Charles Niramiba, secrétaire général de la Trabou, dont les propos ont été recueillis par Armel Moutour. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, on vous parle de la rougeole, qui est une maladie qui touche généralement la peau. Docteur Amélie Nijimbele, pédiatre, précise que cette maladie est infantile et très contagieuse par voie aérienne d'une personne à une autre. De petites taches rouges sur la peau et une fièvre élevée sont des symptômes majeurs de la rougeole. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Ornella Mucho. La rougeole est une maladie de la peau causée par un virus appelé paramyxo. Docteur Amélie Nijimbele, pédiatre, précise que la rougeole se manifeste par plusieurs symptômes, dont une forte fièvre et des petites taches très rouges sur la peau. C'est une maladie classée dans la famille des maladies dites fièvres éruptives, c'est-à-dire qu'à la fièvre, s'associe une éruption cutanée qui n'est pas nécessairement prurigineuse. C'est une éruption qui peut être prurigineuse, qui peut ne pas être prurigineuse. Et la plupart des fois, l'enfant ne se gratte pas du tout. Et à cette fièvre éruptive, s'associe la conjonctivite purulente, s'associe la toux, s'associe la diarrhée et l'asthénie généralisée. Et parfois même dans les complications immédiates, je dirais, dans les complications, pas tout à fait immédiates, dans les complications qui suivent assez rapidement, il y a l'otite purulente. C'est-à-dire que quand la rougeole est là, tout coule. Je dirais tous les orifices. Et les yeux, ça coule. Et le nez, ça coule. Et la toux, la bouche, je dirais, ça coule. Et on a la diarrhée. Le virus de la rougeole se transmet directement par voie aérienne en cas de gouttelettes de salive en suspension dans l'air, mais il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge des personnes infectées. C'est un virus de la rougeole. Et ce virus-là, c'est dans le vent, ça dépend de la saison. Il y a une saison où il y a beaucoup de virus, et surtout, généralement ici, je vois souvent ça au mois de juin, en décembre, très rarement. Donc, entre juin et août, la personne qui est malade, qui a attrapé le virus se multiplie en lui, et après, en toussant, en parlant, ça s'en va encore. Ça retourne dans le vent. Ça contamine les autres et par voie aérienne. Selon toujours Dr. Améline Djimbéré, le traitement est symptomatique et consiste à soulager l'enfant et peut guérir après une ou deux semaines en cas de l'absence de complications. Il n'y a pas un médicament qu'on peut administrer et ça va s'attaquer au virus lui-même. Mais il y a des médicaments pour empêcher la multiplication. Mais surtout, chez nous, on traite les symptômes. On calme la toux, on compense les pertes dues à la diarrhée. On peut donner des médicaments qui empêchent les complications respiratoires, la réhydratation, diminuer la température, traiter les yeux, traiter les oreilles, traiter les poumons. Le virus de la rougeole peut entraîner des complications, mais elle peut également être prévenue. Rendez-vous, c'est dans la prochaine chronique santé. Merci à Ornella Muchoe et au docteur Amélie Nijimbere pour cette chronique santé sur la rougeole. Voilà, 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez-moi de vous en rappeler les grands titres. Les électeurs qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur peuvent les retirer dans les commissions électorales communales indépendantes. Ceci précise le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI. Et la décision du maire de la ville de Bujumbura de laisser les transporteurs de personnes à vélo, moto et tricycle de traverser les ponts de Ntahangwa Nord-Sud est saluée par l'association des transporteurs du Burundi à Trabou à condition de respecter les heures de travail comme convenu avec le maire de la ville de Bujumbura. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser, à François Kimana qui assure la mise en onde jeudi. Merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.